provision et en cours de production. Pour la Cour de Bordeaux, la constitution d'une provision pour charges futures ne saurait jamais être justifiée par la comptabilisation à l'actif du bilan d'un encours de production. En effet, l'encours de production, qui est un élément du stock de l'entreprise et qui est évalué à son coût de revient, a pour objet de compenser les charges de production déjà supportées et comptabilisées afin d'assurer la neutralité du résultat fiscal. En conséquence, un encours de production, même comptabilisé dans un compte de produit, ne peut jamais constituer la contrepartie de dépenses de travaux futures. Dès lors, des provisions constituées au titre de ces dépenses ne sauraient se rattacher à des encours de production.